c'est un zarfu makan. Ce que tu lui dis, je vais t'attendre près de la porte de la mosquée. Donc là, il se passe quoi? Zarfu naam makan. Il peut être kazalika utilisé pour zarfu al-zaman. Si tu dis, mathalan, نعم دخلت المسجد عند غروب الشمس دخلت المسجد عند غروب الشمس فعند هنا est-ce que c'est un ظرف مكان لا c'est un ظرف زمان parce que le مضاف تم الاسم المضاف إليه il a le sens il a la notion du الزمان تم دخلت المسجد عند غروب الشمس فغروب الشمس c'est quoi est-ce que c'est évoqué pour le temps ou bien le lieu c'est évoqué pour le temps donc عند du fait qu'il sera annexé avec un mot qui a la notion du temps il sera considéré comme étant un zarfu zaman et non makan. Donc, عند, faut faire attention, tu peux l'utiliser pour zaman comme pour le makan. Naam. Qala wa ma'a. Naam. Je parle d'exemple avec ma'a. Naam. Qala wa iza. Iza, c'est en face. Naam. En face de quelqu'un. Donc, c'est le fait que tu dis en face de quelqu'un, là, tu évoques, yani, مثلاً, un makan. Naam. مثلاً, ايه. La tatakallam iza al-mudir. لا تتكلم إذا المدير يعني ne parle pas ou bien لا ترفع صوتك إذا المدير ne lève pas ta voix lorsque tu es en face tam, en face du مدير لكن généralement إذا tam, il évoque avec في tam. لا تتكلم لا ترفع صوتك في إذا المدير قال رحمه الله تعالى قال وحذا حذا c'est évoqué pour يعني un مكان qui est قريب tam. قال وتلقى تلقى c'est en face هذا لك c'est un peu comme حذا قال وثم تام ثم انا في بصر حرف عطف اما ثم avec la fatha في الثاء سان اسم اشاره للمكان البعيد تام كما في قوله سبحانه وتعالى نعم واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا واذا رايت ثم اي هنا تام واذا رايت ثم اي هنا تام ليس certaines personnes ils pensent que ثم c'est بمعنى ثم لا تم وإذا رأيت أي وإذا رأيت هنا رأيت نعيما وملكا كبيرا ثم avec la fatha c'est بمعنى اسم إشارة c'est comme هنا ou plutôt هنالك تم هنالك c'est اسم إشارة للبعيد تم كذلك هنا il a pas évoqué je crois هنا نعم il a évoqué juste après تم هنا كذلك c'est اسم c'est un ظرف مكان تم جلست هنا فهنا il est مبني sur لغة تم on dira في محل نصب مفعول فيه فالظرف زمان اللي سمتم الظرف زمان قال وما أشبه ذلك الظرف زمان والمكان يسون سمت comme il a dit c'est le اسم للزمان أو للمكان il est منصوب دائما il est منصوب et في تقدير فيه à partir du moment que tu peux évoquer ce تقدير qui est فيه sache que tu es en face d'un اسم زمان ou bien d'un اسم مكان si jamais c'est pas le cas il sera pas évoqué comme étant un ظرف زمان ou bien un ظرف مكان comme maintenant on a évoqué dans l'exemple جاء يوم الجمعة فيوم هنا on ne peut pas mettre fi جاء في يوم الجمعة on parle du يوم الجمعة qui est venu donc si jamais la personne demande لكن ça sera quoi l'arabe de يوم يوم هنا ça sera quoi un فاعل جاء يوم الجمعة من جاء يوم الجمعة qui est venu يوم الجمعة والظرف الزمن والظرف المكان c'est l'équivalent dans la langue française du CCL et du CCT complément circonstanciel de lieu ou bien de temps il est simple celui-là بالتقدير في الاسم الزمان ou bien le مكان المنصوف بالتقدير في ça c'est ce qui a pu évoquer المؤلف رحمه الله تعالى donc inshallah il reste combien de temps on peut نعم prendre كذلك الحال قال رحمه الله تعالى قال باب الحال نعم قال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات il nous dit رحمه الله تعالى من المنصوبات الحال c'est-à-dire c'est le اسم المنصوب il est منصوب المفسر لمن بهم من الهيئات c'est le اسم المنصوب المفسر qui va venir donner une explication en détail تمام éclaircir من بهم من الهيئات qui va venir éclaircir l'aspect d'une chose. Il nous a dit, c'est l'ism al-mansoub. Sa définition, elle est bien. Mais il y en a une qui est meilleure que celle-là. On va l'évoquer juste après. L'exemple qui va éclaircir, inshallah, la définition. Qala al-hal wa al-ism al-mansoub al-mufassir liman bahama min al-hayat. C'est l'ism al-mansoub qui va venir éclaircir un aspect qui a été qui n'a pas été éclairci, qui a été dissimulé. Mathalan, qala nahbu qawlika ja'a zaydun. Comment il est venu Zayd? Est-ce qu'il est venu à pied? Est-ce qu'il est venu avec une monture ou pas? Le rôle du hal